s'haïr. Mais là, ce n'est vraiment pas le cas. Par cause d'insuffisance, un dernier repas en sa présence. Comme promis, je vais me calmer. Ils seront nombreux dans si peu. Je vieillis encore chaque année. Ils sont à la porte, ne leur ouvre pas. C'est sans logique, il faut que je sorte. Je ne rentrerai pas. As-tu souvent en ta demain? Parce que le jour est sans progrès. Je me trompe souvent de chemin, et régulièrement pas exprès. Ne me parle pas de l'avenir ni du passé, je trouve ça pire. Il me faudra bien m'y faire, le temps est déchu. Je suis sûr qu'elle va se plaire, mais je suis déçu. Chambre d'enfant est maintenant vide. Je ne voudrais pas qu'on m'imite. Je lui ai donné un prénom, même si on me l'a déconseillé. Je me suis donné comme mission d'un jour la retrouver. Pas pour me déculpabiliser, ni pour me faire. Je ne ferai même pas remarquer. Je tiens seulement à m'assurer que les choses vont pour le mieux, qu'il n'y a pas de nœud. Étant l'hôte d'une naissance en convalescence.